La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, physique et métaphysique de la voix. La voix est un phénomène complexe qui donne parfois d'étranges pouvoirs, notamment des pouvoirs de séduction. Ainsi, Maupassant put-il écrire à propos de l'un de ses personnages « Je me demandais avec intérêt où était cachée sa séduction. Dans l'esprit, on ne m'avait jamais cité ces mots ni même célébré son intelligence. Dans le regard, peut-être, ou dans la voix. La voix de certains êtres a des grâces sensuelles, irrésistibles, la saveur des choses exquises à manger. On a faim de les entendre et le son de leurs paroles pénètre en nous comme une friandise. » Fin de citation. Mais qu'est-ce au juste que la voix? Comment fonctionne-t-elle? Que dit-elle de l'identité de celui qui la possède? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Jean Habitbol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin ORL, phoniatre et chirurgien cervico-facial. Oui. Ça fait beaucoup pour un seul homme. En fait, ça fait beaucoup parce qu'on a, entre guillemets, découpé les éléments. Mais on s'occupe d'une chose exceptionnelle de l'être humain, c'est-à-dire la voix qui nous permet de parler, l'audition qui nous permet d'entendre, le nez qui nous permet de sentir, et tous ces éléments sont en cervico-facial. Alors vous dites dans votre livre que vous venez de publier, qui s'appelle « La belle histoire de la voix », vous dites que la voix est le propre de l'homme. Oui. Mais depuis quand? Depuis plus de 5 millions d'années. Alors comment savons-nous que ça fait 5 millions d'années? On n'avait pas de magnétophone à l'époque, on n'avait pas d'éléments qui nous permettaient d'analyser ces vibrations. Tout simplement parce que au niveau de la boîte crânienne, vous avez le cerveau qui imprime l'intérieur même de la boîte crânienne, un peu comme la pâte à modeler qui va venir façonner une coquille. Et on retrouve les différents sillons corticaux qui sont inscrits dans cette boîte crânienne, et on retrouve deux éléments fondamentaux qui sont l'impression de l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui sont l'expression de la voix, le centre de la voix, l'aire de la voix. On sait ça depuis Broca, qui a découvert et qui a enfin donné au cerveau certaines régions qui sont particulièrement destinées à la voix, qui sont destinées également dans d'autres, au niveau occipital, à la vision, etc. Mais est-ce que Lucie, par exemple, qui était la première femme homo sapiens, oui, qui était là il y a 3,2 millions d'années, oui, est-ce qu'on est sûr qu'elle parlait? Puisque on sait alors, que c'est l'air. On est sûr qu'elle parlait, oui. Mais est-ce qu'elle avait le langage que nous avons aujourd'hui? Non. C'était plutôt les borborigmes? Non. Avec Yves Coppens, qui est quelqu'un de remarquable, que je connais bien, elle avait un langage, elle avait une voix, mais sa voix n'était pas aussi bien structurée qu'aujourd'hui, parce que son larynx était plus petit, et qui est évident que quand j'ai un larynx qui est positionné différemment, comme je le fais là... Mais son cerveau aussi était beaucoup plus petit, il faisait 500 centimètres cubes au lieu de 1500. Oui. Aujourd'hui, est-ce que la taille du cerveau a pu jouer dans l'évolution de la voix? Alors la taille du cerveau jouera dans l'évolution de la voix, dans l'intelligence de la voix, dans ce monde, car la voix est une chose extraordinaire. C'est une alchimie entre la raison et l'émotion. Et ce cerveau qui fait 500 grammes au lieu de faire 1,5 kg aujourd'hui, fait que ces deux éléments sont atrophiés, entre guillemets. Donc effectivement, la voix, quelque part, et si on peut le dire, est atrophiée. Elle n'aura pas la même puissance, elle n'aura pas la même richesse, mais elle existe. On vous dit dans votre livre, Jean Habitbol, que Lucie, donc, qui était australopithèque, oui, avait des lèvres ourlées. Oui. Est-ce que ça joue un rôle, ces lèvres et leur forme, dans le fait d'avoir ou non une voix? Le seul primate qui a des lèvres ourlées, c'est l'homme. L'orang-outan, non. Les singes, non. Enfin, les autres primates, non. Ce primate que nous sommes a des lèvres ourlées, mais de ce fait, la gestuelle vocale n'est pas la même. Mais il a une autre caractéristique, qui est sa signature, sur le plan physique, sur le plan anatomique, c'est que son larynx va descendre de la première vertèbre cervicale à la cinquième vertèbre cervicale. Quel intérêt? Ce qui est absolument prodigieux... Ce qui existe pour l'homme et pas pour le singe. Oui, exactement. Ce qui est prodigieux, c'est que cette descente du larynx se fait dès l'âge de 0 jour jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais quel était l'intérêt que ce larynx reste au niveau même de haut de la gorge, soit à la base du crâne finalement? C'est que le nourrisson peut respirer et avaler en même temps. Essayez de faire ça, vous êtes mal, vous avez des fausses routes, vous avalez de travers. De ce fait, lorsque le larynx va descendre, dès l'âge de 2 ans, il ne pourra pas avoir ces deux fonctions, mais, il va créer une caisse de résonance, et cette caisse de résonance va lui permettre de créer des voyelles. Ces voyelles, A, E, I, O, U, sont le modelage vocal de la voix humaine. Et on retrouve ça d'une façon impressionnante chez les ventriloques. Alors, on va me dire, quel est le lien entre les nourrissons, l'homme? Eh bien, ces voyelles en question sont formées, certes, par notre caisse de résonance, qui est formée à partir des cordes vocales, qui sont en arrêt de la pomme d'Adam, qui arrive, cette caisse de résonance, jusqu'au niveau des lèvres et au niveau du nez. La modulation de la langue va permettre de créer ces voyelles, mais également la modulation des lèvres. Et quand on voit un ventriloque qui parle lui-même, ses lèvres A, E, I, O, U, c'est, parle normalement. Et quand le ventriloque se met à parler, ou il fait parler sa poupée, les lèvres ne bougent pas. Comment fait-il? Que se passe-t-il chez lui? C'est quelque chose qui m'a passionné dans les années 85-86. Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure. Quand j'étais, on m'a demandé de faire une conférence à Las Vegas, il y avait 900 ventriloques. Très impressionnant. Et silencieux. Là, ah ouais, c'est extraordinaire. Très, très impressionnant. Et là, la chance veut que, ayant la nouvelle technique qu'on avait dans les années 85 de fibroscopie par le nez, on pouvait voir et regarder la voix. Les pas seulement vocales. L'écouter. Et regarder les cordes vocales. Et là, sur le plan mécanique, qu'est-ce qui se passe? Le fibroscope nous permet d'avoir plusieurs orientations. Donc c'est un fibroscope qui se dirige. J'ai regardé à l'envers, parce que j'ai la chance d'être l'un des premiers à regarder les ventriloques. Eh bien, il crée des lèvres derrière les lèvres. Donc, il recrée les voyelles derrière. Mais, il y a des sons qu'il ne peut pas faire. Le « pe », le « me », le « pe », le « fe », qui sont des sons où les lèvres se ferment. Et là, on verrait qu'il parle. Eh bien, il trouve une chose étrange, c'est qu'il est bilingue. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, par exemple, le chanteur de Mexico, il va dire le chanteur de Hexico avec un H. Et nous, on est tellement habitués à entendre Mexico qu'on va, notre cerveau va entendre Mexico et pas Hexico. Donc, dans le même. Dire que ça ne peut pas tout dire, mais ça ne s'entend pas. Exactement. Là, votre cerveau va corriger l'anomalie qu'il va, d'ailleurs, quand on lit des fois un texte, eh bien, un mot, on prend un mot pour un autre. Donc, le ventriloque est bilingue. Il a son langage et celle de la poupée, mais c'est un athlète. C'est un acrobate du larynx qui lui permet de gérer et son côté physique, anatomique, et son côté, qui est le côté linguistique au niveau de la langue. Donc la clé de l'affaire, c'est le larynx. Le fait qu'il soit en bas chez l'homme et non pas chez le singe explique la différence, le fait que l'homme peut parler. Absolument. Mais ça explique aussi pourquoi on ne peut pas parler en mangeant. Alors ça explique pourquoi on ne peut pas parler en mangeant. Mais ce serait réducteur. Si on veut aller jusqu'au bout de l'explication scientifique, une découverte extraordinaire a été faite au niveau de l'ADN, finalement, est-ce que la voix est génétique? Est-ce que la voix est chromosomique? Ou est-ce que la voix fait qu'on apprend à parler? On apprend à être, entre guillemets, un être parlant. Une découverte a été faite sur l'ADN, sur un chromosome, peu importe lequel, et sur ce chromosome, on a trouvé le FOXP2. FOXP2 qui veut dire, en anglais, c'est comme fork, c'est-à-dire comme une fourchette, parce qu'il était, il avait une certaine forme. Et le FOXP2, on s'est aperçu que ceux qui ne l'avaient pas, ne parlaient pas. Donc oui, il y a un impact chromosomique, mais cet impact chromosomique va générer plusieurs fonctions de gènes, notamment la parole, la voix. Mais il n'y a pas que cela. Pourquoi? Une expérience très cruelle. Suivez-moi. Vous allez me parler de Frédéric II. Exactement. A été faite au XIIIe siècle. Auchstetten, qui lui, voulait comprendre si la voix était également innée ou acquise. Frédéric II, donc, il a isolé des bébés, c'est ça? Il a isolé des bébés dans une chambre dans laquelle il y avait une nurse qui rentrait, mais elle ne parlait pas. Elle ne donnait qu'à manger. Ces bébés étaient, entre guillemets, capturés entre l'âge de 4 jours et l'âge de 3 mois. Il avait mis dans des chambres, il avait fait une vingtaine, trentaine de chambres dans lesquelles il a demandé aux nurses de leur donner à manger, mais de ne pas parler. Mais le fait capital, c'est que chaque bébé était isolé et il n'y avait pas de vie sociale. Et son but était quoi? C'était de comprendre le premier langage? Son but était effectivement de savoir si la langue originelle, pas originale, originale, était le français, le latin, le germanique, l'araméen. Quelle était la langue? Il espérait vraiment que les bébés allaient se mettre à parler, parler l'une de ces langues. Il était sûr que la langue originelle, ce serait l'araméen. C'est déjà une avance extraordinaire, puisqu'il avait appris l'hébreu, il avait appris énormément de langues, il parlait 7 langues. Donc dans sa cruauté d'isoler les bébés, il avait un côté scientifique. Et ensuite, il les a libérés, entre guillemets, à l'âge de 4 ans et demi. Que s'est-il passé? Comment était la voix? Si voix il y avait. Il ne parlait pas. Entre 4 ans et 8 ans, 9 ans, il prononçait pas plus de 54 à 55 mots, et on l'a retrouvé notamment dans le, ce qu'on appelle ce film remarquable sur l'enfant sauvage. Et puis ils sont tous morts, débiles profonds, à l'âge de 12 ans. Pourquoi? Est-ce que la voix est indispensable à la vie? Sans doute pas. Mais ce qui est indispensable, c'est la sociabilité de l'être humain. Son isolement a créé une dépression, cette dépression a créé un laisser-aller, et c'est comme cela que ces enfants sont morts. Alors, donc la voix est génétique, mais la voix dépend de l'écoute des autres. C'est la raison pour laquelle, c'est ce que je marque dans le livre d'une façon extrêmement, et plusieurs fois d'ailleurs, c'est l'oreille qui pilote la voix. On le voit chez le ventriloque, on le voit chez l'imitateur, on le voit chez nous, où on a un accent quand on habite Marseille, parce que notre écoute est une écoute où on entend l'accent. Donc l'oreille pilote la voix. Mais Jean Abitbol, est-ce que si je rencontrais deux jumeaux, deux vrais jumeaux, ils auraient la même voix, forcément? Alors, deux vrais jumeaux, donc homozygotes, ces jumeaux en question, effectivement, ils ont la même voix lorsqu'ils vivent ensemble. Mais alors, la question se pose. Quel est l'impact au niveau de l'environnement? Un va habiter à Paris, l'autre va habiter, par exemple, en Australie. C'est rien à voir. Eh bien, ce qui est flagrant, c'est que la voix est la même, la structure est la même, anatomiquement est la même. Mais ce qui va changer, ça va être les silences entre les mots. Ça va être la syntaxe pour certaines choses. Donc, l'accent? Non, très peu. L'accent, très peu. Et si l'un, par exemple, est très gros et l'autre très maigre, est-ce que ça n'aura pas d'effet sur le timbre de la voix? Il est exceptionnel qu'un jumeau, entre guillemets, soit maigre et que l'autre très gros, parce qu'il y a une assimilation, il y a une espèce de, comment vous dire, de métabolisme des deux, qui est parfaitement adapté, parfaitement identique, pratiquement. Mais la voix peut changer, alors elle peut changer si l'un fume et ne fume pas. Là, on fait appel à un élément extérieur agressif par rapport aux cordes vocales. Elle peut changer si l'un devient acteur, chanteur et l'autre pas du tout, donc il ne manipule pas sa voix. Elle changera au niveau non pas de son timbre fondamental, qui est pratiquement toujours le même, mais la façon dont il va gérer sa voix. Qu'est-ce qui se passe avec les cordes vocales quand nous parlons? Et qu'est-ce qui s'y passe quand nous ne parlons pas mais chuchotons, par exemple? Alors juste un tout petit rappel. L'anatomie de la voix, c'est pas que les cordes vocales. C'est le conduit vocal. Qui comprend? Le conduit vocal, c'est un instrument de musique. C'est l'instrument de musique que vous avez dans votre corps. C'est l'instrument de musique qui est non seulement votre instrument, mais qui est un instrument sexué. Ça sera pas le même chez l'homme et la femme. Et cet instrument de musique nécessite 3 choses, comme tout instrument. On va prendre comme le violon, par exemple. Eh bien, vous avez premier point. La vibration, bien évidemment, c'est les cordes vocales. On a 2 cordes vocales qui font 20 mm de long chez l'homme, 18 mm de long chez la femme. Ça suffit à expliquer la différence entre une voix de femme et une voix d'homme? Non. La longueur des cordes vocales qui est différente? Non, ça ne suffit pas, parce que la longueur d'une corde vocale permet effectivement d'avoir une voix plus grave. Plus elles sont longues, paradoxalement, plus le timbre va être grave. C'est ce qu'on a chez les, notamment chez les barytons, qui sont des longs coups avec des cordes vocales relativement longues, 22 mm. Ou bien les femmes alto, qui ont des cordes vocales extrêmement longues, effectivement. Mais, et ça ne suffit pas. Parce que, là, je peux vous parler comme ça avec une voix aiguë, et mes cordes vocales ne sont pas là. Donc, ça dépend comment on va placer la voix. Et après, les voix de femme, voix d'homme, c'est autre chose. Là, sur l'anatomie de la corde vocale, la vibration est la première chose. Cette vibration est synchrone entre les 2 cordes vocales. Elles vont se frotter l'une contre l'autre, et cette vibration va créer la vibration sonore. C'est le son. Mais ce son n'existe comment? C'est la transformation énergétique du souffle pulmonaire qui devient une vibration. C'est on crée une énergie vibratoire. Et le mystère a été pendant des années... Et grâce aux nouvelles technologies que nous avons, enfin nouvelles, elles ont 40 ans maintenant, les technologies que nous avons, on a compris que cette vibration des cordes vocales n'était pas d'origine de la commande neurologique du cerveau. C'est le souffle pulmonaire qui, faisant que les cordes vocales vibrent, elles se touchent l'une contre l'autre et elles font 240 fois par seconde, c'est-à-dire 240 Hertz. Et le fait qu'elles, lorsqu'elles montent, elles redescendent, eh bien, cette loi, qui est une loi particulièrement de la physique, qui montre que dès qu'elles se touchent, eh bien, on a une résistance zéro. Et dès qu'elles se relâchent, eh bien, la résistance va devenir à ce moment-là extrêmement importante et on crée ce va-et-vient. Donc il faut qu'elles se touchent. Il faut qu'elles se touchent. Ça veut dire qu'on peut pas parler avec une seule corde vocale. On peut parler, bien sûr, avec une seule corde vocale. J'en suis la démonstration. J'ai dit qu'elles se touchent. Quand une corde vocale est paralysée, si elle est médialisée, c'est-à-dire dans la partie médiane du larynx, l'autre corde vocale fait tout le travail, elle se rapproche de la corde vocale paralysée, la fait vibrer. Et la preuve en est, j'ai une soprane que je connais bien de Londres, qui est une corde vocale paralysée, on ne donnera pas son nom, qui est une soprano remarquable et qui peut aller dans les aigus, qui peut aller dans les graves. Donc une corde vocale paralysée en aucun cas signifie pas de voix, en revanche... Ça signifie que si la corde vocale est en position médiane, donc au centre du larynx, oui, on peut parler, mais si elle est loin du larynx, ce qu'on appelle en abduction, c'est un terme technique scientifique, qui veut dire qu'elle est non plus médiane, mais latéralisée, alors à ce moment-là, vous parlez comme je le fais maintenant. Et à ce moment-là, la voix, c'est un souffle, parce que, dans ce cas précis, la vibration des cordes vocales ne se fait que s'il y a accolement d'une corde vocale contre l'autre. Mais s'il n'y a pas accolement d'une corde vocale contre l'autre, la vibration n'existe pas, mais la voix existe. Car la voix, c'est pas seulement la vibration des cordes vocales, et j'y viens. La puissance du souffle, la puissance de la voix, c'est le poumon. La vibration de la voix, c'est les cordes vocales. Mais la voix elle-même, la finalité de cette voix au niveau de nos mots, c'est la caisse de résonance entre les cordes vocales et le nez. Si je vous parle comme ça, j'ai les mêmes cordes vocales, mais je viens de pincer mon nez. Donc la résonance, c'est entre les cordes vocales, la bouche et les fosses nasales. Voilà l'instrument de musique au niveau de la voix. Voilà comment ça fonctionne. Mais sans vouloir parler de mon cas personnel, où j'ai justement une corde paralysée en position extrême, oui. Avec une rééducation, on peut quand même parler. Alors, avec la rééducation, on peut parler, car on a appris à la corde vocale non paralysée de faire tout le trajet d'aller en position médiane et pas médiane, donc de passer de l'autre côté. C'est un travail musculaire dans ce cas-là. Extraordinairement musculaire, oui. Mais ça demande une sacrée volonté, parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, on a des techniques d'injection des cordes vocales, où j'injecte de l'acide hyaluronique, où j'injecte, qui nous permet de médialiser les cordes vocales, donner une belle voix. J'ai un exemple et une histoire extraordinaire à vous raconter, qui est dans le livre, et qui est une femme qui est venue me voir. Une avocate. Non. C'est pas l'avocate. C'est pas cette histoire-là. Non, ça c'est une autre. C'est une femme qui est venue me voir, qui avait 37 ans, qui avait deux enfants, 8 ans et 10 ans. Elle habitait dans un pavillon, donc en province, et les enfants dormaient au premier étage, elle était au rez-de-chaussée. Elle a une paralysie de la corde vocale. Elle parlait comme ça, dès l'âge de 12 ans. Donc depuis l'âge de 12 ans, sa voix était une voix chuchotée, et une voix qui était dans le souffle. À ce moment-là, elle vient me voir et me dit « Docteur, j'ai appris que vous faisiez des interventions qui me permettraient éventuellement de retrouver ma voix parce qu'on m'a dit que ma corde vocale était paralysée. J'ai fait de la rééducation vocale, ça n'a pas marché. Mais moi, quand j'appelle mes enfants, j'ai une cloche « gling gling » pour les appeler du premier étage. » Je dis « Pas de problème. » J'ai 80% de bons résultats, 20% d'échecs parce que le produit que j'injecte peut se résorber. Mais on a de très bons résultats et au pire, c'est comme avant. « Parfait, opérez-moi. Pas de problème. » Je l'opère. La chance veut que j'ai une voix superbe, une voix féminine. Or, Monsieur Klein, ce qui est impressionnant, c'est qu'elle connaissait pas sa voix de femme, puisqu'elle a été paralysée avant sa puberté. Elle savait pas ce que ça voulait dire, la vibration à l'intérieur du corps, d'une vibration d'une corde vocale. Elle connaissait pas cette vibration. Et quand je la vois 8 jours après, elle me dit, ça y est, je revis, je suis une femme. Je dis, je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Elle dit, ça y est, j'ai mon identité, car ma voix, maintenant, c'est mon identité. On était contents, elle et moi, du résultat. Qu'est-ce que je vois débarquer 2 mois plus tard, dans mon cabinet? Le mari et les deux enfants. Croyez-le ou pas, ils arrivent. Le mari, docteur, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas ma femme, c'est pas ça que j'ai épousé. C'est quelqu'un qui parle pas. Donc je parlais au téléphone, elle parlait, mais il y avait que moi qui pouvais l'appeler. Les enfants, mais qu'est-ce que tu as fait à maman? C'est pas ma mère. Il m'a fallu 1 heure de discussion pour leur expliquer qu'en fait, la normalité, c'était peut-être pas ça. Mais c'était devenu leur normalité, mais pas celle de la femme. Donc il y a un lien très fort entre la voix et l'identité. Exactement. Et vous racontez une autre histoire, c'est celle de l'avocate. D'une avocate qui avait une voix de fumeuse, je crois. Voilà, ça c'est une voix. Et donc, heureusement, Ils sont venus me voir 3-4 mois plus tard avec un superbe cadeau, une boîte de chocolat magnifique, pour me dire, voilà docteur, grâce à vous maintenant, on me demande plus qu'à ma femme et les enfants, maintenant elle est devenue comme tout le monde. Donc ce retour a été très beau, mais pour montrer qu'avant de changer une voie, attention. Et l'histoire de l'avocat dont vous parlez est également une anecdote superbe, parce que là, quelle est la profession la plus exposée à la puissance, au pouvoir de la voix, si ce n'est une avocate qui est une avocate en cour d'assises pour défendre un criminel. Cette femme avait 47-48 ans, je l'ai connue à ce moment-là, quand elle avait une voix comme ça, elle parlait comme ça, elle était vraiment une voix, comme on dit, une voix de mec, une voix d'homme. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'elle avait une féminité, elle avait une séduction impressionnante, cette femme. Et elle vient me voir, elle fumait 2 paquets de gitane par jour, elle prenait son petit whisky tous les soirs, elle me dit, voilà docteur, il faut changer ma voix parce que ma voix va pas. Et je l'examine, je dis, mais vous perdez vos procès. Ah non, 90% de mon temps, je passe dans les prisons. Ah bon? Et les voyous me respectent. Ah bon, très bien, et alors? Et alors, non, je veux changer ma voix. Mais pourquoi? Elle me dit, parce que j'ai un petit ami. Et je lui dis, ben, changez de petit ami. Elle m'a dit, je veux pas, parce que celui-là, c'est le bon. Je dis, ok, d'accord, mais moi, je vous opère pas. Elle a été opérée, remarquablement. Par un autre? Par un autre. Et quand elle, mon collègue l'a opérée, il était très content. Elle, apparemment, soi-disant que oui, 3 mois après, son petit ami l'a lâchée. Elle perdait tous ses procès. Et elle m'a dit une chose terrible. Quand je rêve avec ma voix d'avant. Et je suis devenu schizophrène de la voix. Et cette femme, il a fallu 2 ans par rééducation vocale pour récupérer une voix grave. Et elle s'est remise à fumer, parce qu'elle avait arrêté, son petit paquet de gitane par jour. Elle a récupéré une voix comme elle le voulait. Il lui a fallu 4 ans. Pour vous dire que la chirurgie de la voix, c'est une chirurgie émotionnelle, sauf dans le cancer. Mais on opère une voix seulement et seulement si il y a un problème d'identité vocale. L'histoire ne dit pas si le petit ami est revenu. Alors le petit ami est revenu. Ah, je sais pas, oui. Non, ça, je sais pas. Mais qu'est-ce qui fait que quand on fume ou qu'on boit du whisky, c'est les deux exemples que vous avez donnés, la voix est modifiée. Elle s'aggrave, alors, si on peut dire. L'impact de la cigarette est triple. Le premier, je l'ai appris à mes dépens avec un patient remarquable qui était un monsieur qui était un prix Goncourt et qui fumait 1,5 paquet par jour. J'avais opéré de choses relativement graves, qui était un cancer de la corde vocale, et donc on l'avait guéri à ce moment-là, parce qu'on avait 3 ans de recul. Et puis il est venu voir, 1 an plus tard, l'intervention au laser que j'avais faite, enlever la corde vocale, et puis il me dit, il parlait un peu comme ça, parce qu'on avait une corde vocale en moi, bien sûr. Il dit, voilà docteur, donnez-moi un crayon. Je lui donne un crayon, et il se met devant une page blanche. Et pendant, c'est très long, hein, 1 minute, il ne parle pas. Et je lui dis, mais que se passe-t-il? Il dit, justement, rien, docteur. Depuis que je ne fume plus, je n'ai plus du tout les muses. Je ne sais plus écrire. Et c'est l'une des seules fois dans ma carrière, et j'ai appris à être beaucoup plus tolérant. Je lui dis, fumer entre 5 et 7 cigarettes par jour, elle a pu réécrire après. Pour quelle raison? Est-ce que c'est une gestuelle? Non. Il était, finalement, la nicotine est un des éléments qui permet chez certains patients d'avoir une certaine créativité. Mais à côté de cela, bien sûr, il y a les risques de cancer, mais bien sûr, la voix change parce qu'il y a du goudron et ça crée un édème des cordes vocales, un gonflement par irritation. La corde vocale étant plus lourde, la voix est plus grave. Vous dites, Jean Habitbol, dans votre livre, que chuchoter, c'est néfaste. Oui, que si je vous parle comme ça, je frotte les cordes vocales et c'est une vibration chaotique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas harmonieuse. C'est-à-dire que quand je parle en chuchotant et en forçant sur ma voix, je crée des frictions entre les cordes vocales qui sont des frictions traumatiques. Et ce traumatisme, c'est-à-dire que ça abîme les cordes vocales? Ça l'abîme complètement. Et ça fatigue? Et d'une part, ça fatigue, mais ça crée après une voix comme ça. Et on crée de la corne sur les cordes vocales que par le grand paradoxe, c'est qu'après on est obligé d'opérer cette corne pour que la voix devienne normale. Alors il valait mieux pas chuchoter. Et aujourd'hui, les règles sont de ne plus chuchoter si vous voulez parler et qu'on demande un repos vocal, ben vous parlez doucement, pratiquement sur le souffle, sans chuchoter. L'acoustique de la voix, c'est un des grands sujets que vous abordez dans ce livre qui s'appelle L'histoire de la voix, la belle histoire de la voix, pardon. Vous dites que vous avez compris des choses très importantes en regardant un match de tennis. Oui, alors ça c'est fabuleux. C'est fabuleux. Je regardais un match de tennis Federer Nadal. Et si vous aimez le tennis, quand vous regardez, c'est au ralenti. Et on voit la balle de tennis qui arrive sur la raquette, qui est amorti sur la raquette et qui repart. Car pour moi, il y avait, sur le plan physique, sur le plan de la compréhension acoustique, une chose que j'avais, c'était il y a 10 années, que je n'arrivais pas à comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire, les formants et les harmoniques d'une voix dans la caisse de résonance? vous avez les cordes vocales qui vibrent, qui vont donner un son, car j'ai eu l'idée complètement dingue de passer un micro par le nez dans un fibroscope et d'écouter le son en haut des cordes vocales. Je vous dis 1, 2, 3. Eh ben, si on prend le son en haut des cordes vocales, ça fait on n'entend pas 1, 2, 3. Le son qu'on attend juste au-dessus des cordes vocales, c'est c'est tout. Donc c'est un son qui n'est pas, qui est continu son, et qui est particulier. Qui est particulier, qui est le son un peu, j'allais presque dire animal. Encore que même le chien, même le chat ont une voix, si l'on peut dire. Et là, je me suis dit donc, cette vibration, ce son, on va le comparer à une masse, qui est une balle de tennis. C'est tout. Pourquoi dire c'est 240 Hz? On va dire c'est une masse qui pèse 200 Hz, 200 vibrations. Donc c'est une sorte d'approche corpusculaire de la voix. Exact, si vous voulez. Donc on prend cette masse et elle rebondit dans les caisses de résonance. D'abord le pharynx, qui se situe au-dessus des cordes vocales, qu'on appelle le bas pharynx, puis l'oropharynx, au-dessus des cordes vocales, mais bien au-dessus, puis la bouche, qui c'est les joues, puis la langue, puis les lèvres, puis la partie haute, et ça sort. Donc ça rebondit plusieurs fois. Imaginez maintenant, et ça c'est passionnant, imaginez que cette balle de tennis, quand elle rebondit, sur la première raquette, j'allais dire, puis la deuxième, c'est de plus en plus fort. On va amplifier cette balle de tennis, donc cette corpuscule vibratoire. Donc on a Pavarotti. Maintenant, moi, quand c'est une sorte de laser pour la voix. Avec c'est beaucoup plus que ça, c'est un amplificateur fabuleux. Maintenant, moi, si je fais un A très fort, oui, ça va être, ouais, ok, mais il fait un A, quoi. Mais je vais pas passer dans un amphithéâtre où il y a 3500 personnes et ma voix est entendue, car Pavarotti et tous les chanteurs d'opéra chantent sans micro. Donc elle passe au-dessus. Pour qu'elle passe au-dessus, il faut qu'il y ait une force, mais il faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait la voix, que la balle de tennis, c'est-à-dire la vibration, rebondit suffisamment, avec un trampoline suffisamment fort, pour que la projection, eh bien c'est ça les harmoniques de la voix. C'est en fait ce rebondissement de cette balle de tennis qui vient sur le pharynx, puis au niveau de la cavité buccale, et qui est amplifié. Maintenant, deuxième exemple, c'est l'inverse. J'amortis, je fais un amorti au tennis. Ben, la balle, elle va mourir. Eh bien, il y a des gens, hélas, qui ont pratiquement pas d'harmonique, parce que dans leur caisse de résonance, la balle de tennis qui est la vibration, ou la vibration corpusculaire, comme vous disiez il y a quelques instants, oui, eh bien, elle est trop amortie, et ce sont des gens qui ont une voix faible. Donc, les cordes vocales seules ne sont pas seules responsables de la puissance, mais la caisse de résonance, ce qu'on a chez les chanteurs d'opéra qui ont des techniques particulières, donne une super puissance à la voix. On est d'accord, Jean Bitbol, qu'on parle toujours dans l'air. Et qu'est-ce qui se passe quand l'air est moins dense, par exemple, quand on va en altitude? C'est une bonne question. Quand on va à 8000 mètres. C'est une très bonne question. Comment la voix est modifiée? Vous qui êtes un physicien, c'est facile parce que vous allez comprendre ça au quart de tour ainsi que nos auditeurs. L'air, c'est une substance. C'est pas le vide. C'est pas parce qu'on voit au travers. L'eau, on voit au travers. Mais quand on met la main dans l'eau, c'est une certaine densité. Eh bien, l'air a une densité. Car la voix, c'est une vibration qui va rebondir sur des microparticules dans l'air. Sinon, ça peut pas vous arriver. La preuve en est, c'est que si on est dans le vide et qu'on envoie un son dans le vide, le vrai vide, qui n'existe pas. Voilà, le vrai vide, mais qui n'existe pas ou qui existe tellement peu. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Dans une cloche, bon, on n'entend rien. Le son peut pas passer. Il faut un support. Il faut un support, exactement. Et ce support dans l'air va dépendre, bien évidemment, c'est une question extrêmement intéressante, de la densité de l'air. En altitude, eh bien, l'air étant moins dense, la voix va être paradoxalement plus longue, plus ralentie, plus aiguë. Plus aiguë. Plus aiguë. Et c'est l'histoire de l'hélium, quand on respire de l'hélium, et qu'on se met à parler comme ça, un peu comme un canard. Parce qu'à ce moment-là, la vibration est beaucoup plus forte que la densité de l'air. Ça a été mesuré, ça, si je vais à 4000 mètres ou un peu plus au sommet du Mont Blanc, ma voix va... Oui. Ça s'entend. Oui. Ça s'entend, ça s'entend, mais disons que notre oreille rectifie immédiatement. Alors pourquoi elle rectifie? Tout simplement parce que quand je vous parle, je m'entends. Et mon oreille est mon auto-feedback, c'est-à-dire qu'elle est celle qui va quelque part contrôler ma voix. Donc à ce moment-là, notre propre correction fait qu'on entend paradoxalement pas aussi bien que nous parlons. Maintenant, si on ne faisait que écouter, oui, on l'entendrait. Mais il y a une phrase très troublante de Wittgenstein, le philosophe, à propos de la voix. Il dit ceci: si j'écoutais ce que dit ma bouche, je pourrais dire que quelqu'un d'autre parle par ma bouche. Quand on met un casque à la radio, on a l'impression que, oui, que la voix qu'on, oui, entend n'est pas celle qu'on émet. Oui. Il y a une sorte de schizophrénie, oui, finalement. Pas tout à fait. C'est pas une schizophrénie. c'est plus une dissonance. Mais quelle est la vraie voix ? Celle que j'entends à l'intérieur de moi ou celle qui me parvient aux oreilles ? Les deux. Les deux. J'explique pourquoi. Quand vous parlez, ou quand je parle, je m'entends de une seule façon. C'est-à-dire la vibration, on vient d'en parler notamment, la vibration acoustique, va passer d'une part de mes lèvres à mon oreille, mais par le circuit extérieur, qui va donc passer par l'air que je respire. Car n'oublions pas, la voix n'existe que dans l'expiration. Je souffle, c'est quand je souffle que je parle. C'est le yin et le yang, c'est ce souffle qui me permet de parler. Et l'inspiration me permet d'avoir ce souffle. Eh bien, cette voix se transmet de mes lèvres à mon oreille par l'air. Mais elle se transmet également de l'intérieur de mes lèvres à mon oreille par notre corps à nous. Mais que se passe-t-il ? C'est qu'à ce moment-là, la voix que vous entendez, que je peux appeler la voix intérieure, mais dans ce sens physique du terme, attention, cette voix intérieure crée des vibrations graves parce que les éléments que nous avons dans le corps, notamment les os, notamment certains muscles, vibrent et amplifient les graves de notre voix. Donc la voix que vous entendez, vous, quand vous parlez, elle vous semble plus grave, plus timbrée, plus belle. Pourquoi plus belle ? Parce qu'on adore les graves, les sons graves. Et quand vous l'entendez sur un ordinateur, que vous avez enregistré votre voix, vous dites « Attends, c'est pas ma voix, elle est trop aiguë, il y a un truc qui va pas, parce que vous n'entendez que la voix externe. » Alors vous entendez là la voix que les autres entendent, mais qui est votre voix. Car votre identité vocale est unique. 7 milliards d'individus, 7 milliards de voix différentes. Eh bien, la voix que vous allez émettre des autres, c'est votre voix. Mais la voix que vous entendez vous à l'intérieur de vous-même, c'est votre voix, mais c'est votre voix à vous, que personne ne peut entendre. Je vais réfléchir là-dessus, mais avant, on va passer une voix exceptionnelle, celle de Ray Charles, que vous avez choisie, notamment sa chanson « Georgia on my mind ». Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Jean Rabitbol, vous nous parlez de La belle histoire de la voix, votre livre, et Red oui. Charles, un Red choix Charles, quelle voix ? Oui, parce que c'est une voix qui m'a fasciné depuis tout petit. Parce que dans sa voix, on écoute la souffrance de cet homme. Mais ce qui est magnifique, c'est que l'émotion est à fleur de peau. Dans Georgia, dont on connaît l'histoire, quand même, dans cette ville où il est allé, où on lui a demandé de chanter, il a refusé, puis ensuite il est revenu. Eh bien, on voit cette souffrance du peuple noir, on voit cette souffrance de l'homme, mais bien au-delà de cela, cet homme Ray Charles, qui est devenu aveugle, à un moment donné, eh bien, lui, il regarde avec son oreille. Ce qu'il écoute, pour lui, immédiatement, il sait si c'est sincère ou pas. Donc il a une sensibilité que bien d'autres personnes n'ont pas. Le paradoxe, c'est que le malvoyant va écouter l'autre d'une façon bien différente que nous. Parce que dans sa voix, il va traduire la gestuelle et le langage corporel. Je m'explique. Le roi Salomon avait dit une chose incroyable. Dans la Bible, il avait dit une chose simple, c'est que dans un juré, pour condamner quelqu'un, s'il y a un malentendant, on ne peut pas le prendre comme juré. Mais s'il y a un malvoyant, quelqu'un qui ne voit pas, il a l'équivalent de deux voix, parce qu'on ne maquille pas la voix vous trahit. Ça fait penser à cette phrase de Jacques Lacan, « On semble oublier que dans la parole humaine, entre beaucoup d'autres choses, l'émetteur est toujours en même temps un récepteur, qu'on entend le son de ses propres paroles. » Absolument. Donc la voix, c'est aussi un réceptacle, c'est quelque chose simplement qui émet. Absolument. Elle impose, lorsque l'on parle, à part Gustave Flaubert, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, qui est dans le Gueuloir, ouais. Exactement, c'est écoute ce qu'il a écrit. Mais pourquoi il veut écouter ce qu'il écrit ? Il veut en écouter la sincérité de son écriture. Et c'est là où c'est magnifique, et notamment dans le J'accuse de Zola. Cette J'accuse, un tel, etc. Eh bien, on écoute la sincérité d'une voix. Quelle est la corrélation qui existe, Jean Rabitbol, entre l'apparence physique d'une personne et sa voix ? Souvent, les voix sont presque oui. prédictibles. Oui. Voyant le physique, on... Alors, très fréquemment, la voix est en relation avec le profil physique. La preuve en est, c'est que des gens qui sont sous stéroïdes, je parle d'athlètes, qui sont très forts, vont avoir une voix très grave parce qu'ils sont pleins de testostérone. Et ça nous ramène d'ailleurs à la sexualité de la voix. Est-ce que la voix est sexuée ou pas ? Et donc, oui, il y a une apparence physique. Mais, quelquefois, la nature se trompe d'histoire. C'est-à-dire qu'au niveau de la mue, au niveau justement où l'homme, le petit garçon devient homme et la petite fille devient femme, eh bien, quelquefois, l'influence hormonale n'est pas exactement comme on voulait. Un monsieur qui a 1m90 et qui vous parle avec une voix aiguë, ça va pas le faire. Et il y a quelquefois cette discordance qui impose lorsque la rééducation vocale pour les remettre, entre guillemets, dans le bon état, car la mue n'a pas été faite correctement, premier point. Et puis quelquefois, il y a des atrophies des cordes vocales, et l'injection, effectivement, dans ce cas précis, peut permettre cela. Et comment est-ce qu'on choisit les voix qui vont doubler des acteurs ou des actrices dans des films étrangers ? Comment est-ce qu'on... Alors, on va prendre une voix que vous connaissez, qui est celle de Columbo, par exemple, qui a gardé cette voix. Eh bien, on écoute d'abord la voix de l'acteur. Si on prend, par exemple, Sean Connery dans James Bond ou Columbo, et là, c'est une étude remarquable qui a été faite, on va voir quel est le physique de la personne et ce que l'inconscient collectif veut écouter comme voix derrière. Il est évident que si on prend Sean Connery ou si on prend Daniel Craig dans James Bond et qu'on lui met une voix très aiguë, ça va pas le faire. C'est pas possible. Mais c'est culturel ou c'est des raisons plus Alors, profondes ? C'est plus profond, c'est primal. C'est primal, c'est vraiment quelque chose de primitif. La voix est quelque chose de primitif. C'est-à-dire que quand on écoute une voix, il y a immédiatement une réaction primale. Oui, celle-là effectivement va me séduire parce qu'il y a des graves et je sais que c'est un homme. Voilà, ça c'est primal. Et, pardon, dans la sexualité de la voix, effectivement, la voix, c'est à la puberté que la voix devient une voix d'homme. Une voix de femme. Mais qu'est-ce qui se passe mécaniquement à Alors, ce moment-là ? Mécaniquement, au niveau de la testostérone qui est l'hormone mâle, eh bien, les muscles vont devenir extrêmement puissants au niveau des cordes vocales. On va également avoir un autre élément important, c'est le souffle pulmonaire qui est très puissant. Et la preuve en est que la sexualité de la voix, c'est chromosomique, XY pour l'homme, XX pour la femme, mais c'est hormonal. D'où sommes-nous sûrs que c'est hormonal. C'est les castrats. C'est Farinelli, qui est le plus grand des castrats connus. Eh bien, on castre les enfants avant la puberté, avant que les hormones mâles aient fait leur action sur le corps. À ce moment-là, ils gardent la musculation au niveau des cordes vocales d'enfant. Mais, c'est pas une voix de femme, c'est une voix d'enfant, c'est-à-dire qu'ils gardent 3-4 octaves. Ils gardent 4 notes à 5 notes au-dessus de la voix de l'homme et 3 notes au-dessus de la voix de la femme. Car la femme, quand elle a fait sa puberté, elle perd 3 notes par rapport à la petite fille. L'homme perd 5 notes par rapport au petit garçon. Alors on se pose la question, pourquoi le castrat a une voix puissante, puisqu'il a moins de testostérone, voire même il en a très très peu? Parce que dans la mesure où il est XY, les hormones de croissance et les hormones thyroïdiennes fonctionnent comme un homme. Or la thyroïde, c'est l'hormone de l'énergie du corps, de la puissance du corps. Donc il a la puissance masculine en ayant gardé la voix de l'enfant. Vous consacrez dans votre livre, Jean Habitbol, un chapitre aux voix de FIP. Oui. Est-ce qu'il y a des voix de France Culture ? Il y a des voix de France Culture. Il y a un code vocal. Il y a un code vocal. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une radio, même si vous n'avez pas ce que c'est, quand moi j'adore la radio, je trouve que c'est le média le plus extraordinaire. Parce que c'est le média dans lequel, quand j'écoute quelqu'un, je sais s'il dit vrai ou pas. Je sais s'il est sincère ou pas. Vous ne maquillez pas une voix. C'est pas possible. Ben, tout est possible, mais quelqu'un qui a l'habitude d'écouter, non. Eh bien, alors, quelle est la particularité de FIP ? Elle est simple. On ne sait pas qui parle. On ne connaît pas la femme. C'est les FIPettes. Et le génie de celui qui a fait FIP, c'est quelle que soit la femme qui parle, elle est hors du temps. Que ce soit en 75, 85, 95, 2020. C'est toujours FIP. C'est toujours une voix qu'on reconnaît. Dès qu'on met FIP, on dit oui, ça c'est FIP. Donc la signature, c'est le timbre de la voix, c'est pas la personne qui parle. Mais sur France Culture, quand vous êtes sur cette chaîne, vous reconnaissez tout de suite qu'est-ce que France Culture ? Tout de suite. Pourtant, on n'a pas été formé à avoir des voix comme ceci ou comme cela. Pas été formé, mais si vous avez choisi ce média, ce support, ça impose derrière trois choses. La première, c'est flatteur pour vous, mais je le pense. C'est d'abord une certaine forme de culture, c'est le cas de le dire. La deuxième, c'est d'écouter l'autre. La troisième, c'est les silences entre les mots. Il n'y a pas un zapping. D'autres radios, excellentes, mais il y a un zapping. Il faut que je parle très très vite, sinon je ne me fais pas entendre. Sinon on va zapper. La question sur France Culture, ce n'est pas le problème de zapper. C'est le problème d'écouter l'autre. Donc on donne une information avec la générosité de la donner à l'autre. Mais on n'attend pas un retour systématique. On n'attend pas un retour imposé. On converse. On converse et on échange, dans le vrai sens du terme. Est-ce que vous seriez capable d'imaginer comment Danton, par exemple, parlait, ou Camille Desmoulins? C'est une belle question. Est-ce que les voix de la Révolution, si on les entendait, nous paraîtraient complètement étrangères? J'en parlais ce matin au bloc opératoire, quand on opérait, pour l'anesthésiste, parce qu'il y a une publication exceptionnelle qui a été faite il y a 2 mois. C'est la voix des pyramides. J'en parle à la fin de mon livre. Ah oui. Est-ce qu'on pourrait entendre le son des Égyptiens? Est-ce qu'on pourrait entendre le son de Ramsès? Il y avait II. Un poisson d'avril. Oui. Avec Georges Charpa, qui avait fait croire qu'on pouvait entendre le potier engueulant sa femme en Exactement. Latin. Exactement. Et une façon de le faire, on en parlait ce matin, et on modélise Ramsès II par scanner son conduit vocal. À ce moment-là, par cette modélisation, on prend un ingénieur acousticien, physique de l'acoustique, on lui dit en fonction de cet instrument de musique, comment est la voix ? Et là, effectivement, on a une voix ressemblante. Parce qu'un violon alto, un violoncelle, va pas donner la même chose qu'un violon soprane. Un piano, si vous voulez, va pas donner le même son qu'un saxo. Et là, en fonction de la modélisation de cela, on peut, quelque part, avoir une idée comment était la voix. Alors, on parle de la voix de Danton. Là, c'est beaucoup plus simple. On a des écrits. On sait, par exemple, que Napoléon avait une voix exécrable. On sait cependant que c'était un stratège parce qu'il parlait très fort, il pouvait donner des ordres à 300, 400, 600 mètres. Aujourd'hui, on a les micros. Mais il y a un siècle, le tribun, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est sa voix qui était la puissance de son pouvoir. C'était pas le micro. Aujourd'hui, vous avez un micro, faites ce que vous voulez. Mais est-ce que le micro a changé notre façon de parler ? Complètement. Pas pour nous, mais pour les médias que sont aujourd'hui la radio, moins la télévision, oui, le micro a changé. Et puis, ce que sont également les salles de spectacle. Au spectacle, à la Comédie Française, il n'y a pas de micro, très peu. L'opéra, il n'y en a pas. Donc oui, effectivement, la façon de parler change. La preuve en est, français, française, ou Jean Moulin, entre, voilà. Quand on entend ça, on sait que ce tribun avait appris à parler sans micro. Aujourd'hui, vous faites ça, vous êtes, entre guillemets, plutôt ridicule, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'une voix compte ? Les voix comptent dans les élections, mais qu'est-ce qui fait qu'une voix de quelqu'un qui, par exemple, vise à accéder au pouvoir compte plutôt qu'une autre ? Quels sont les critères qui font qu'on écoute quelqu'un quand il essaie de nous convaincre qu'il faut, le dire ? Ça, je l'ai dit dans ce livre, La belle histoire de la voix, mais également dans un autre livre qui s'appelle Le pouvoir de la voix, où j'ai fait une analyse par rapport à un livre qui est paru en 1939, qui est Le viol des foules de Tchakotine. Un livre remarquable. Il essayait d'expliquer comment une voix, justement, va persuader. Il avait noté 4 critères. Et puis, il y a 4 autres critères que j'ai découverts avec les années, donc ça en fait 8. Là-dessus, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est le timbre de la voix. Il faut qu'elle soit agréable. Il faut qu'elle ait une base relativement grave, que ce soit une femme ou un homme. Il faut qu'il y ait des silences entre les mots. Il faut qu'il y ait une syntaxe et un rythme vocal où la respiration n'existe pratiquement pas. On n'en veut pas respirer, parce que ça, c'est horrible. On sent une souffrance derrière, on n'en veut pas. Donc ça, c'est le premier élément de l'écoute. Et le deuxième élément, c'est la façon dont la voix va être sincère. Et puis le troisième élément, c'est que cela va faire appel au rêve, à la spiritualité. Car si le rêve n'existe pas chez un leader, comme Martin Luther King dont je parle, eh bien à ce moment-là, on n'est pas persuadé de ce qu'il dit sur le plan de demain, voire d'après-demain. Oui, il a raison aujourd'hui, mais il me fait pas rêver. Donc si j'ai pas une optique sur demain ou après-demain, est-ce que je vais voter pour lui ? Pas sûr. Et là, le monde de l'émotion va mettre le pas sur le monde de la raison. La preuve en est, chez les avocats, on demande à la fin d'un procès, vous allez juger en votre intime conviction. Oubliez tous les éléments scientifiques, oubliez toute la partie cartésienne, mais jugez en fonction de ce que vous avez entendu. Et ça montre bien que l'intime conviction de l'être que nous sommes, c'est ce qui nous reste après avoir écouté une voix. Vous explorez dans ce livre les propriétés, les caractéristiques, les originalités de plusieurs voix, de chanteurs, d'hommes politiques, de femmes politiques. La Callas qui a dramatique, a voulu perdre du poids parce qu'elle faisait près de 100 kilos. Absolument. En 1954, elle voulait ressembler aux actrices américaines. Et puis elle s'est dit, je suis beaucoup trop grosse. Donc elle a perdu 35 kilos en 2 ans. C'est phénoménal. Et elle chantait la Norma en 52 remarquablement bien, mais en 58 aussi. Cependant, dans la voix qu'on écoute quand on écoute la Norma en 57 ou 1957-1958, on sent cette souffrance intérieure. Et quand on l'écoute, on sent cette fragilité de la voix. Et quelque part, on attend presque l'accident vocal. On se dit, est-ce qu'elle va tenir ? Est-ce qu'elle va y aller ? Est-ce qu'elle va nous faire ce son qu'elle avait l'habitude de faire ? Et c'est cette fragilité qui nous fait aimer une femme comme la Callas, parce que quelque part, elle est humaine. Parce qu'elle, quelque part, elle va pouvoir se tromper. Alors que quand quelqu'un est parfait, on s'ennuie un peu. Vous dites que Mick Jagger, qui n'est pas très gros, lui, il s'est crié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'est crié. Alors, quand Johnny Hallyday, quand Mick Jagger se met à hurler sur scène, et le font tous les soirs, je veux bien qu'on crie, mais il faut savoir comment crier. Alors, quel est l'exemple le plus simple ? Vous avez un nourrisson qui a 1 mois, 2 mois, 4 mois. Il ne vous laisse pas dormir. Il n'arrête pas d'hurler toute la nuit. Il ne fait jamais d'accident vocal. Le polype n'existe pas. L'hémorragie des cordes vocales chez lui n'existe pas. Parce qu'il y a une harmonie entre le souffle, la vibration et la caisse de résonance. Si tout est en harmonie, si la vibration dont on parlait il y a quelques instants et cette balle de tennis vibratoire part en harmonie, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de problème de chaos au niveau de la vibration. Et ce problème chaotique de la vibration vocale crée l'accident vocal. Donc savoir comment crier, c'est savoir mettre en harmonie. C'est cette sorte d'harmonie dont vous exactement parlez. Exactement, du souffle pulmonaire par rapport à la vibration. Car le petit enfant qui hurle, il ne se casse pas la voix. Nous, si on se met à hurler brutalement sans avoir cette technique, il nous faut en deux minutes, on n'a plus de voix. Mais vous parlez d'ailleurs dans un chapitre du souffle pulmonaire, oui. Jean Abitbol. Comment ça se passe du point de vue des volumes qui sont échangés, qui sont expulsés, qui sont absorbés quand on dans le cycle alors, de la respiration. Le volume pulmonaire que nous avons pour un être classique est par rapport à un ténor ou un contre-ténor. On va prendre le ténor qui sont beaucoup plus au point de vue amplifié. Ils ont pratiquement 30% de plus de capacité respiratoire que la nôtre. Comme un coureur de fond. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des marathoniens de la voix. Je compare le chanteur d'opéra à un marathonien et le chanteur de variété à un monsieur qui fait 100 mètres. C'est un sprinter. Mais les deux, dans un cas, il lui faut vraiment une caisse de résonance importante, je parle du chanteur ténor, mais une puissance du souffle pulmonaire bien au-delà de la normale. 30% plus. Le chanteur comme Johnny Hallyday, comme Mick Jagger, comme les gens qu'on connaît de extrêmement violents, entre guillemets, eh bien oui, eux, ils ont une caisse de résonance qui est importante, ils savent l'harmonie, mais le souffle pulmonaire n'est pas aussi important parce qu'ils chantent 4 minutes, 5 minutes. Mais alors, comment est-ce qu'on s'entraîne? Quand alors, on est ténor, il faut faire du alors, sport ils s'entraînent de deux façons. La première, c'est le sport, comme vous dites, c'est-à-dire d'avoir cette capacité pulmonaire. Et puis la deuxième, c'est de savoir chauffer sa voix. C'est-à-dire faire des sons bouche fermée. C'est-à-dire avoir, par exemple, des petits remèdes tout simples qui sont des infusions au thym qui datent de Mathusalem, avec une cuillère à soupe de miel qu'on fait 2-3 fois par jour, c'est-à-dire des inhalations, mais également, et ça c'est relativement récent, on sait ça depuis 25-30 ans à peine, c'est que quand on a un reflux gastrique, des acidités d'estomac qui remontent dans la gorge, même si on n'a pas de douleur d'estomac, mais on est très stressé, eh bien ça déclenche une sécheresse des cordes vocales. Et ça déclenche à ce moment-là une perte de la lubrification. Imaginez-vous que vous frottez une main d'une contre-lampe 240 fois par seconde. Elle brûle. Eh bien, les cordes vocales, c'est 240 fois par seconde pour la femme. Et à mon niveau, c'est 150 fois par seconde chez l'homme. À chaque fois que je vous parle, elle vibre 150 fois par seconde. Quand vous savez que en une seconde, on a 5 syllabes, chez un homme non stressé, quand on est stressé, c'est 12 syllabes par seconde. Donc il faut un très bon lubrifiant. Excellent. Et ce lubrifiant, c'est la corde vocale qui le fait, et l'acide chlorhydrique de l'estomac le dessèche et provoque une sécheresse vocale. Vous avez presque une voix de stentor, non? Mais qui était stentor? Oh, stentor, c'était... Qu'est-ce qui fait qu'on lui attribue cette voix? Tout simplement parce que il avait une voix qui faisait peur aux guerriers. Il les entraînait. C'est un personnage... assez impressionnant parce que et on a gardé cela, si vous voulez, par sa voix, il arrivait à déchaîner et à faire peur aux autres. Et Démosthène, pareil, c'est différent, mais Démosthène, lui, prenait des cailloux et essayait de parler au-delà du bruit des vagues de la mer. Et c'est comme ça qu'il exerçait sa voix. Stentor, non, il l'exerçait pas, il l'avait naturellement. Démosthène, lui, a apprivoisé sa voix. Et quand il avait ses cailloux dans la bouche et qu'il marchait le long de la plage et qu'il écoutait, il voulait que sa voix passe au-dessus des vagues. Avec une technique, il arrivait à faire cela. Tout à l'heure, en vous présentant, Jean Abitbol, j'ai dit que vous étiez laryngologiste et vous dites dans le livre que le laryngologiste est le luthier de la voix, pas celui qui guide l'archet. Bien sûr. Ça veut dire quels sont vos leviers d'action, si j'ose dire. Bien sûr. Si vous voulez, on a nos limites. Et les limites d'un scientifique, c'est tout ce qui est scientifique est reproductible. Pour qu'il soit reproductible, il doit être copié. Si on copie pas, c'est qu'il y a un problème. Si on n'arrive pas à faire la même chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un luthier, c'est quelqu'un qui va réparer le violon. La corde, la caisse de résonance, l'âme, comme on dit, du violon, très bien. Mais l'archet, également, doit être excellent. Ça, c'est le luthier. C'est mon travail. Mais la main qui guide l'archet, si c'est Yehudi Menuhin, le simple fait de glisser sur la corde du violon, ça va nous faire vibrer notre émotion. Et cette alchimie entre cette main qui guide l'archet, qui apporte l'émotion lorsqu'il va jouer, quand il va nous jouer du Tchaïkovski, du Mendelssohn, peu importe, et on a des larmes aux yeux parce que c'est extraordinaire, et puis un élève qui a 12 ans, qui a également un Stradivarius, qu'on lui a offert quand il était jeune, et qui joue. Il a une excellente technique, zéro émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Le luthier est indispensable pour avoir le bon instrument. La technique est indispensable pour savoir jouer cet instrument. Mais l'émotion devient 98% de l'interprétation, et on a oublié la technique. Si vous dites d'une chanteuse d'opéra, Oh, en sortant de l'opéra, vous sortez de l'opéra Garnier, vous dites, oh là là, quelle technique magnifique, on a tout perdu. Vous sortez et vous dites, je comprends pas, pendant 3 heures, c'était fabuleux. Mais qu'est-ce, je sais pas, mais c'était fabuleux, elle a tout gagné. De plus en plus de voix sont artificielles aujourd'hui, les voitures parlent, les téléphones parlent. Oui. Comment sont choisies ces voix? Alors ces voix, il y a aujourd'hui des algorithmes, il y a des éléments d'intelligence artificielle absolument remarquables. Vous parlez avec ce programme et on vous transforme la voix de Brigitte Bardot en la voix de Fanny Ardant. Voilà. Et ça, on peut le faire. Alors on me dit, mais comment? Eh oui. Parce que on va chercher, on en a parlé il y a quelques instants, les harmoniques de la voix. On va les réajuster. On va prendre la syntaxe, on va la réajuster. On va faire le rythme respiratoire. Mais, la signature d'une voix chez quelqu'un, c'est les mots qu'il va employer. Si j'imite Charles Aznavour ou si j'imite Johnny Hallyday, j'ai pas employé les mêmes mots. Je peux prendre la voix de Johnny Hallyday entre guillemets, je suis Charles Aznavour, et si je prends les mots d'Aznavour, on va dire, c'est la voix, mais il y a quelque chose qui colle pas là, c'est pas Johnny Hallyday du tout. Parce qu'il faut les mêmes mots, et les mêmes qu'emploie l'artiste ou le commun des mortels. Il faut le même rythme respiratoire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prises dans ces programmes, et il y a des choses qu'on oublie dans ces programmes qui font quelque part, on sait que c'est une voix artificielle. Mais je pense qu'on va y arriver. La seule chose, à mon avis, qu'on pourra pas quelque part truquer ou faire, c'est la sincérité d'une voix, le côté émotion, le côté à un moment donné dans une voix comme on vient de faire ensemble. Il y a des hauts et des bas, mais il y a des choses imprévisibles. Et c'est ça qui est beau, c'est que l'imprévisible, l'IA, l'intelligence artificielle, à mon avis, n'y arrivera pas. Alors vous parlez à la fin du livre, Jean Habitbold, de Stephen Hawking, l'astrophysicien, qui oui. avait, elle est l'un des premiers à avoir utilisé un synthétiseur vocal qui permettait oui. d'entendre les mots qu'il avait sélectionnés sur oui. l'écran de son ordinateur. Oui. Ces techniques ont fait beaucoup de progrès, mais lui, il a tenu à garder oui. l'ancienne voix, la première qu'il a eue, oui. à laquelle il s'était finalement assimilé. Absolument. Alors, j'ai une hypothèse, elle est peut-être pas la bonne, mais comme j'adore l'astrophysique, je suis un passionné d'astrophysique, et Stephen Hawking, quelqu'un qui m'a toujours passionné, comme un autre homme que vous connaissez, qui était André Braik, fait partie des choses où, gardant cette voix, qui est une voix synthétique, obligée, quand on l'écoute, on sait que c'est synthétique. Et à ce moment-là, on l'écoutait, mais notre imaginaire nous transportait dans l'espace rien qu'en écoutant. Alors comme que s'il avait pris la voix de Humphrey Bogart, c'est pas Stephen Hawking, c'est pas dire non. C'est une voix cosmique venue d'ailleurs. Et, exactement. Et je crois que c'est le c'est pas de sa faute, c'est le hasard, mais il y a pas de hasard. Comme disait un grand homme que vous connaissez, qui est M. Einstein, eh bien, à ce moment-là, effectivement, je pense que quelque part, cette voix, non seulement il ne l'aurait jamais changée, même si on lui avait proposé, mais si elle lui a donné une identité vocale avec un ordinateur, c'est quand même incroyable. Il avait une identité artificielle, et on savait que c'était lui. Merci Jean Habitbold d'être venu nous voir pour parler si magnifiquement Merci de la voix, qui est quand même l'instrument qu'à la radio on essaie de bichonner. Je recommande la lecture de votre livre, La belle histoire de la voix. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Philippe Merchler et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Honaud-Dibiot pour le temps des écrivains.